Cours numéro 19. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. On a fini ensemble, walillahi alhamd, l'étude des versets que l'imam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi l'a cité fi al-Wasitiyya pour montrer la voie de Ahl al-Sunnah wal Jama'a fi hadha al-bab al-'azim. أي لزاتخبيد الله سبحانه وتعالى فذكر جملة طيبة من الصفات الفعلية والذاتية واستفدنا ensemble ولله الحمد du شرح de العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله et كذلك on a fait des ajouts du شرح de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. لماذا لأن on répète أن الشيخ سعدي رحمه الله dans son شرح il n'a pas expliqué verset après verset بل il a cité tous les versets du matn ثم il a cité une explication globale qu'on va lire ensemble aujourd'hui بإذن الله عز وجل. فقال العلامة الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله عليه أقول ذكر المصنف رحمه الله في هذا الموضع عدة آيات وكلها داخلة في الإيمان بالله ويتضح معناها عموما وخصوصا بذكر أصول وضوابط نوضحها. فهذا الكلام il est très très important. فالشيخ سعدي رحمه الله donc il n'a pas expliqué chaque verset لكن il a cité des اصول et des ضوابط et des règles essentielles pour celui qui veut comprendre هذا الباب. Et si tu as compris ces règles que الشيخ سعدي رحمه الله il a cité هنا, tu pourras comprendre l'explication des savants détaillée. Et ces règles, walillahi alhamd, taqaddamat ma'ana fi al-qawa'id al-mutla de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Wa hakadha al-ilm. Al-ilm s'est fondé sur ce genre de usul et dhawabit, et sur des règles, sur des définitions, sur des points importants que l'ulama y cite pour différencier entre deux points, mathalan. Ou une définition claire, ou un exemple, ou une règle générale. Enfin, c'est ça le ilm. Amma, essayer d'apprendre le ilm point par point, mas'ala, mas'ala, sans revenir aux règles que les ulama ils ont citées dans chaque matière, c'est pas tariq ahli l'ilm, c'est pas une méthodologie correcte. Al-Sheikh Sa'di, rahimahullah, i'tana fi كتبه بهذه الأصول والقواعد سواء العقيدة أو أخرى فرحمه الله تعالى قال منها أي parmi ses fondements parmi ses règles إن هذه النصوص القرآنية تنطبق عليها القواعد المتفق عليها بين السلف وهو أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما نشأ عنها من الأفعال. وهذه القاعدة تقدمت معنا في القواعد المتلى أن السلف كانوا يؤمنون بأسماء الله عز وجل الحسنى الثابتة في القرآن أو في السنة. Donc السلف ils ont accepté et ils ont cru en tout les noms d'Allah سبحانه وتعالى bien sûr qui sont cités إما في القرآن إما في السنة. Donc, يؤمنون بالاسم. مثلا, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah, c'est Ar-Rahman, c'est Ar-Rahim, c'est Al-Aziz, c'est Al-Qadir, etc. كذلك, يؤمنون بالصفة. لأن on a une autre règle, chaque nom, il englobe un attribut parfait. فمثلا, Al-Aziz, فيؤمنون بالاسم Al-Aziz, et كذلك بالصفة. أي أنه ذو عزة, عز وجل. وذو قوة. Et له رحمة Bien sûr, ilm ou hayat, etc. Chaque nom, il renferme forcément un attribut parfait. Limada, les anna, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont parfaits. Walillahil asma ul husna. Et al asma ul husna, c'est des noms qui renferment des attributs parfaits. Vu qu'ils renferment des attributs parfaits, c'est des noms parfaits. Ce point, il est important. Limada, li anna qawman min ahlil bid'a wa dalal. والأهواء قالوا أسأل المعتزلة أنهم يؤمنون بالأسماء لكن مجرد أعلام. Pour eux, ils prétendent croire au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, lakin les noms d'Allah azza wa jal, pour eux, c'est que des a'lam, que des noms. Et des noms qui renferment pas un sens, un attribut. C'est pour ça que pour eux, il n'y a aucune différence entre le sens de Al-Aziz et de Al-Rahim et de Al-Jabbar. Et de Al-Ali. Tous ces noms pour eux, il n'y a aucune différence. C'est des noms d'Allah Azzawajal et il n'y a pas de sens, ça ne renferme pas un attribut parfait. Les mada, les annahum, ils ont rejeté les attributs. Fayu'minun bil asma. Ils prétendent croire au nom et ils rejettent les attributs. Les mada, ils ont rejeté les attributs. Les anna pour eux, si tu dis qu'Allah il a des attributs, tu le fais ressembler à la créature. Et si tu dis qu'Allah il a des attributs, مثلا, Allah c'est l'Aziz, c'est le Qawi, c'est le Qadir, avec des sens différents, pour eux ça implique qu'il y a plusieurs divinités. Ils ont contredit la voix des salafs, ils ont contredit les textes et ils ont contredit la raison. Celui qui prétend avoir plusieurs noms avec des sens différents, ça implique que le al-musamma, celui qui est nommé, il n'est pas seul, il n'est pas. Il n'est pas wahid, ça contredit la raison. Donc, Ahl al-Sunnah yu'minuna bi al-ism wa bi al-sifa. Et كذلك قال, on répète son kalam, أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما نشأ عنها من الأفعال. كذلك بعض الأسماء. تقدم معنا أن الشيخ العثيمين les a appelés, أنهم ils englobent une sifa متعدية. مثلا اسم الرزاق او اسم الرحيم tous ces noms c'est des asma qui renferment bien sûr des attributs et l'attribut il a un lien avec le makhlouq اي Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui fait miséricorde au makhlouq donc nu'min bi as-sifa l'attribut par exemple ar-rahma et nu'min كذلك بالفعل اي ان Allah subhanahu wa ta'ala il fait miséricorde à cet être humain ou à cette créature. Enfin, il y a un lien, il y a athar. Et Allah subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yurid. Donc, nu'min bil ism wa nu'min bil sifa. Et s'il y a athar, s'il y a athar ala al makhlouq, fa nu'min bi hadha al athar. Et ça, c'est pas sur tous les noms. Enfin, par al asma, il n'y a pas de athar envers le makhlouq. Matalan ism al-hayy. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le vivant. Il n'y a pas un athar. Ism al-azim. Et hakada, beaucoup de noms qu'on a étudiés ensemble, walillahi alhamd, dans les durus précédents. Qala, mithalu dhalik, fil qudra, yajib alayna al-imanu bi annahu ala kulli shay'in qadir. والإيمان بكمال قدرة الله والإيمان بأن قدرته شاملة لجميع الكائنات تأمل فنؤمن أن الله سبحانه وتعالى سي القدير نؤمن بالصفة bien sûr أن الله سبحانه وتعالى إلى القدرة التامة أي il est capable de tout لا يعجزه شيء سبحانه فنؤمن بهذا كله ونؤمن كذلك بأن قدرته شاملة لجميع الكائنات أي الله سبحانه وتعالى fait ce qu'il veut قال وبأنه عليم ذو علم محيط وأنه يعلم الأشياء كلها نعم قال وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط أي c'est une règle et cette règle elle englobe tous les noms enfin tous les noms ils renferment un attribut parfait et certains attributs il y a un athar على المخلوق فنؤمن بالأثر قال رحمه الله فإنها داخلة في الإيمان فإنها داخلة في الإيمان بالاسم وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته وكلامه وأمره وقوله ونحوها. Et toutes ces صفات تقدمت معنا dans les versets précédents avec l'explication de certains savants ولله الحمد. لكن vous avez remarqué la façon de faire de Cheikh Saadi rahimahullah dans ce charh, ce passage il l'a expliqué الجملة pas détaillé, pas bit tafsil. Et cette explication, elle est jamila jiddan, liana, ces règles, elles sont essentielles. C'est pour ça que l'ulama, il conseille kathiran d'étudier le livre de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Si tu veux comprendre ce chapitre, ilm asma illahi azza wa jal wa sifatih, le livre de Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est une référence. L'imad al-annaou, il a cité des règles. Sept règles dans les noms, thumma sept règles dans les attributs, thumma quatre règles dans les noms et dans les attributs. Thumma, la dernière partie du livre, il a réfuté al-ash'ira, al-mu'attila. Il a réfuté ceux qui ont rejeté les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala avec des exemples et avec un kalam jamil. On doit donner de l'importance à ce livre si on veut comprendre les livres suivants. مثل الواسطية ومثل الطحاوية ومثل التدمورية tous ces livres importants. قال رحمه الله فإنها داخلة في الإيمان بالصفات وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم كذا وكذا ويحكم ويريد وسمع ويسمع ويرى وأسمع وأرى وقال ويقول وكلم ويكلم ونادى وناجى ونحوها من الأفعال وهذا كله تقدم معنا دي فيرسي أن الله سبحانه وتعالى يحكم ويريد ويسمع وسمع اكسترا توسا تقدمت معنا سدي أفعال الله سبحانه وتعالى يفعل ست اكسيون كونت il veut et s'il fait cette action c'est qu'il a l'attribut مثلا الله سبحانه وتعالى سمع قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. Allah subhanahu wa ta'ala, il a entendu cette femme quand elle a parlé au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. S'il l'a entendu, c'est qu'il a l'attribut de As-Sam'a. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa As-Sami'u al-Basir. Fa nu'min bi hadhihi al-af'al. Ces actions, on croit, c'est des sifat fi'liya. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Fa'alun lima yurid. Yahkumu ma yurid. Subhanahu, il fait ce qu'il veut, il juge comme il veut. Azza wa jal. Qala fa'ala al-'abd الإيمان بكل ذلك إجمالا وتفصيلا وإطلاقا وتقييدا على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. Donc, tant qu'on a un délil, tant qu'on a un nas من الكتاب ou من السنة, et dans ce texte, un nom d'Allah est cité, ou un attribut d'Allah عز وجل, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna du prophète صلى الله عليه وسلم, فنؤمن. On n'a pas le choix. Si c'est min bab al-ijmal, fa nu'min min bab al-ijmal. Matalan, laysa kamithlihi shay. Allah, il ressemble pas aux créatures. Ça, c'est min bab al-ijmal. Et Allah, il ressemble à aucune créature. Fa nu'min bihal. Si c'est bit tafsil, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé qu'il a des mains. Il a un visage. Annahu, il descend. Annahu, on le verra yawm al-qiyamah. Aïe, les croyants. Wa nas'alullah an yaj'alana minhum, etc. Fa nu'min bihal. Pourquoi? Parce qu'on a des textes. قال رحمه الله وأن يعلم أن صفاته لا تشبهها صفات المخلوقين كما أن ذاته لا تشبهها ذوات المخلوقين. Donc هنا il a cité les deux points importants. فنثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il s'est affirmé, il a affirmé comme attribut عز وجل أو son messager عليه الصلاة والسلام. Enfin, on doit affirmer, on doit accepter, on doit croire. Lakin, sans faire de tamthil. Sans faire de tamthil. Et ces deux points, ils sont très très importants. Ithbatun bila tamthil wa tanzihun bila ta'til. Donc, nu'min, et on dit qu'Allah il a cet attribut, lakin, ça implique pas une ressemblance. Limadha li anna, on a une règle. Et cette règle, elle est fondée sur un verset du Coran al-Karim. Qala azza wa jal, laysa kamithlihi shay'un. وهو السميع البصير. On dit qu'Allah c'est Sami et le Basir, il entend et il voit, comme c'est cité dans le verset, et on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il ressemble pas aux créatures. comme c'est cité dans le verset. Là, ce verset, c'est une base. Ce verset, c'est une qa'ida. Ce verset, c'est min kalamillah. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu bi nafsi. Wa asdaqu qila. Azza wa jal. Donc, on n'a pas le droit de délaisser hadha al-haq, qui est la voix des salafs, pour suivre shubuhat ahl al-ahwa. Shubuhat ahl al-shak. Shubuhat al-munharifin. On délaisse cette voix claire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé pour suivre les doutes et ceux qui suivent les doutes. فقال كما ان ذاته لا تشبهها ذوات المخلوقين. Les صفات d'Allah subhanahu wa ta'ala ils ressemblent pas aux attributs des créatures. Pourquoi? Parce que Allah lui-même azza wa jalla ne ressemble pas aux créatures. Enfin, pourquoi faire ressembler les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à ceux des créatures alors que Allah c'est le créateur, il ne ressemble pas à la créature. Et là chaque anna al kalam fi dhat kal kalam fi sifat comme يقول اهل العلم. الكلام في الذات كالكلام في الصفات. Quand on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est parfait, ses attributs sont parfaits. On dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur, enfin ses attributs ils sont pas créés. وهكذا الكلام في الذات كالكلام في الصفات. Donc tu peux pas accepter une partie et rejeter l'autre comme ils font al-ash'ari et autres parmi les égarés. Ils acceptent certaines sifat et ils disent qu'Allah il ressemble pas à la créature quand ils lisent un verset ou qui est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement, ils font la comparaison. Et pour s'écarter de at-tamthil, et le fait de faire ressembler à la créature, ma la yaf'aloun yuharrifoun. Ça montre à l'homme, ils sont pas stables. Ils sont pas à la yaqin. C'est pour ça que, iyadam billah, ils ont utilisé cette voie. Ils ont pris cette voie plutôt. Ay at-tahrif. Donc, hada, c'est un kalam mufid. On le répète, فعلى العبد الإيمان بكل ذلك إجمالا وتفصيلا وإطلاقا وتقييدا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. Donc تؤمن, tant que tu as un nous, tu dois croire. أمروها كما جاءت, هكذا قال السلف. Tu acceptes, لكن sans déformer, sans faire de تمثيل, sans faire de تشبيه, عيادا بالله. تؤمن كما آمن السلف. Et bien sûr, walillahi alhamd, tu comprends hadith sifat avec la langue arabe. Avec la langue arabe. Limada li anna al-Qur'an il a été révélé avec la langue arabe. Lakin, est-ce que ça veut dire que tu connais le kayfiyya ou tu fais ressembler à la créature? Abatan. Wa li hadha qala ala al-wajhi al-la'iq bi jalalillah wa 'azamatih. Quand on dit mathalan qala Allahu 'azza wa jalla bal yadahu mabsutatan. Bal yadahu mabsutatan. Est-ce que tu dois comprendre ses mains par rapport à tes connaissances à toi et par rapport à ce que tu as vu et par rapport à ce que tu connais et les mains des créatures là. Les annas, ses mains, c'est les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas des mains d'êtres humains ou autres, c'est les mains d'Allah azza wa jal. Fatoumine an Allah, il a des mains. Pourquoi? Parce qu'il a dit des mains. Comment elles sont? Allahu a'lam. Est-ce qu'elles ressemblent aux mains des créatures? Abadan. Laysa kamithlihi shay. Et tu t'arrêtes là. Tu fais des efforts pour apprendre ton din. قال ومن الأصول المتفق عليها بين السلف التي دلت عليها هذه النصوص أن صفات الباري قسمان. كذلك parmi les fondements importants, c'est de comprendre أن العلماء قالوا أن les attributs d'Allah عز وجل ils sont de deux catégories. الصفات الذاتية et الصفات الفعلية. On a déjà fait le tambih dans Al-Qawaid Al-Mutla. Anna hadha al-taqsim il n'existait pas à l'époque des salaf. Limada? Li'anna à l'époque des salaf, ils avaient tous la même aqida. Et le sujet il était clair. Il n'y avait aucune ambiguïté. Limada? Li'anna ces sectes, elles n'étaient pas encore apparues. Ou quand elles sont apparues à une certaine époque, ils n'avaient aucune quwwa. Ils n'avaient pas beaucoup de suiveurs et ils n'avaient pas d'impact. Walillahi alhamd. لكن avec les années لما انتشر الجهل دخل كثير من الناس في دين الله عز وجل وبعضهم تاثروا بالملاحده او باليونان او بالكفار etc. فcertaines شبه elles sont entrées. فلهذا العلماء pour faciliter قسموا هذا التقسيم وإلا on le répète هذا التقسيم, il n'y a pas de دليل. لكن أحيانا العلماء يسد دي تقسيمات مثل هذه. C'est pour te faciliter, pour te schématiser, pour que tu saches que certains, ils ont accepté ces attributs, ils ont rejeté d'autres. Thomas, il t'explique pourquoi ils ont rejeté cette catégorie. وإلا فالسلف كانوا يؤمنون بالصفات الذاتية الفعلية etc. sans faire ce taqsim. لماذا؟ لأن c'est des attributs d'Allah عز وجل. لكن on sait pourquoi. ولله الحمد العلماء ils ont cité هذا. Donc la première catégorie صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات كصفة الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء ونحوها والعلو المطلق. Donc هذه صفات ذاتية. والضابط قوله لا تنفك عنها الذات كصفة الحياة. أي الصفات الذاتية سدي صفات لا تنفك عن الله عز وجل. أي الله سبحانه وتعالى les a toujours eu, et c'est pas une action. C'est pas une action. مثلا tu peux pas dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait cette sifa dans tel, à tel moment et à tel moment il ne l'a fait pas. Là, c'est pas muta'alliq bil mashiya, c'est pas lié à la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et c'est des attributs qu'il a toujours. Avec l'exemple, c'est plus clair. Mathalan, la vie. Al-hayatu. C'est une sifa dhatiya. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'awwal, c'est l'akhir. Il a toujours existé, il existera toujours, il a toujours été en vie, il sera toujours vivant. Et il ne goûte pas à la mort. Wa tawakkal ala al-hayy. الذي لا يموت لا تأخذه سنة ولا نوم فسن حياة كاملة سن صفة ذاتية اي كذلك العلم والقدرة والقوة والملك والعظمة toutes ces صفات c'est des صفات ذاتية وهكذا صفة اليدين والوجه الله il a toujours eu deux mains il a toujours eu un visage عز وجل كما يليق به كما يليق به جل وعلا قوله والعلو المطلق. لماذا il a fait cette précision? لأن العلو كما تقدم معنا على نوعين علو مطلق et un علو خاص c'est الاستواء. فالعلو المطلق أين الله في السماء قوله أأمنتم من في السماء قوله وهو العلي العظيم. ça c'est العلو المطلق c'est une صفة ذاتية. الله il a toujours été au-dessus. أما الاستواء c'est une صفة فعلية كما تقدم معنا ولله الحمد. قال وصفات فعلية la deuxième catégorie تتعلق بها أفعال كل وقت وآن وزمان. تقدم معنا dans القاعدة المثلى أن الضابط أن هذه الصفات متعلقة بمشيئة الله عز وجل. أي si Allah سبحانه وتعالى il veut, il fait cette action et s'il veut, il ne la fait pas. مثلا الله سبحانه وتعالى استوى على العرش après avoir créé les cieux et la terre. هذا c'est très très important. قال وصفات فعلية تتعلق بها أفعال كل وقت وآن وزمان ولها آثارها في الخلق والأمر. هذه الصفات الفعلية qu'on avait cité dans la première règle أن certains noms ils englobent un attribut parfait et certains attributs ont un athar على الخلق. مثلا الرحمة c'est un attribut. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait miséricorde à qui il veut. فَذَكَرَ هُنَا هَذِهِ أَوْ بَعْضَ هَذِهِ الْآثَارِ قَالَ فَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّهُ تَعَالَى فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالْ يَقُولْ وَيَتَكَلَّمْ وَيَخْلُقْ وَيُدَبِّرَ الْأُمُورِ وَأَنَّ أَفْعَالَهُ تَقَعْ شَيْئًا فَشَيْئًا تَبْعًا لِحِكْمَتِهِ وَإِرَادَتِهِ. فهذه الأفعال que ce soit le kalam et on a étudié ensemble des versets l'attribut de la parole أو أن الله يخلق الله يكري أو يدبر الله يجير أو الله يريد الله يفعل etc. tous ces صفات sont des صفات فعلية تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. فأفعال الله سبحانه وتعالى sont fondées sur هذا. il les fait quand il veut عز وجل et bien sûr c'est basé sur la sagesse. قال كما أن شرائعه وأوامره ونواهيه ونواهيه الشرعية لا تزال تقع شيئا فشيئا. نعم فعال لما يريد سبحانه. قال وقد دل على هذا الأصل الكبير كما في هذه النصوص من ذكر قال ويقول وسمع ويسمع وكلم ويكلم ونادى تصدقتم معنا تبغسكولي. قال يقول صفة القول والكلام. قوله سمع ويسمع صفة السمع أي أن الله سبحانه وتعالى يبال الله لانتم. كلم يكلم هذا تقدم نعم أي قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما الله سبحانه وتعالى إلى بغلي أم موسى ونادى وناجى تقدم معنا النداء بصوت مرتفع والتناجي بصوت منخفض. قال وعلم وكتب ويكتب وجاء ويجي وأتى ويأتي وأوحى ويوحي ونحوها من الأفعال المتنوعة التي تقع مقيدة بأوقاتها كما سمعت في هذه النصوص المذكورة آنفا. نعم هذه الصفات الفعلية دونك الله سبحانه وتعالى يفعلها متى شاء ces actions الله سبحانه وتعالى اللي fait quand il veut سبحانه فس الحكيم عز وجل il parle à qui il veut quand il veut il descend سبحانه وتعالى quand il veut il nous a informé le dernier tiers de la nuit وهكذا أنه صفة المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا يوم القيامة le jour du jugement الله سبحانه وتعالى il nous a informé أنه il viendra Et les anges seront en rang. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il jugera بَيْنَ عِبَادِهِ قَالَ وَهَذَا مِنْ أَكْبَرِ الْأُصُولِ وَأَعْظَمِهَا وَلَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ الْمُؤَلِّفُ مُصَنَّفًا مُسْتَقِلًا وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْأَفْعَالِ الْإِخْتِيَارِيَّةِ فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله il a un livre sur ce sujet. أي الأفعال الإختيارية الإختيارية ça vient de quand on dit est-ce que t'as le khiyar est-ce que t'as le choix فهذه أفعال إختيارية أي الله سبحانه وتعالى اللي fait quand il veut سبحانه وتعالى c'est lui qui décide un تنبيه مهم هنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله dans الحاشية لأن ce livre التنبيهات اللطيفة أي شرح الواسطية de الشيخ السعدي رحمه الله علق عليه Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Cheikh Ibn Baz, il a cité des annotations sur ce charh. Et elles sont importantes. Et Huna, il a cité une note muhimma, pas dans la même page. La page qu'on vient de lire, là. La page qu'on vient de lire, c'est la numéro 44 dans Manusra. Page 48, et quelques pages après. Il a cité une fa'ida muhimma. Qala, rahimahullah, fa'idatun ukhra. ذكرها شيخ الإسلام وغيره. Les savants, ils ont cité une faïda muhimma sur الصفات الفعلية. On l'a déjà cité, mais on la répète les المناسبة. Et parmi ceux qui l'ont cité, شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله العالم الكبير خاصة dans cette matière, dans ce domaine, Al-Aqida. Dans son livre, Al-Sivat Al-Ilahiyya, il a cité هذه الفائدة, et on l'avait lu, فيما أذكر, مع الإخوة, dans Al-Qawaid Al-Mutla, ou dans d'autres livres. قال الشيخ بن باز رحمه الله, وهي, أي cette فائدة, cette leçon, par rapport au صفات فعلية, قال أن صفات الرب, القولية والفعلية, قديمة النوع, حادثة الآحاد. كالكلام والخلق والرزق والنزول وأشبه ذلك. أي هنا c'est important de comprendre أن quand on dit que Allah سبحانه وتعالى il a des صفات فعلية. أي les صفات فعلية c'est les attributs qui sont que Allah سبحانه وتعالى il fait. C'est des actions. Et ces actions c'est par rapport à la volonté d'Allah سبحانه وتعالى. متعلقة بالمشيئة. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut, il les fait. Ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala, avant, il n'avait pas cet attribut. Mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé annahu yanzil, annahu il descend le dernier tiers de la nuit. Il a toujours eu cet attribut, lakin, l'action, il a décidé de la faire, azza wa jal, le dernier tiers de la nuit. Al-istiwa. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est levé sur son trône après avoir créé les cieux et la terre. Il a décidé de faire cette action à ce moment. Wa illa al-wasf, il l'a toujours eu. Fa farriq bayna al-wasf et le fait de le faire. Fa Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours eu toutes ces sifat. Limada? Li anna, c'est des attributs parfaits. Et celui qui pense ou qui prétend qu'à un moment donné, il n'avait pas un attribut, ça veut dire qu'à un moment donné, il n'avait pas une perfection. Et là, c'est très très grave. Allah, il est parfait, il a toujours eu des attributs parfaits. Lakin, al-fi'l, Allah, subhanahu wa ta'ala, il le fait quand il veut. قال رحمه الله ونحو ذلك فجنس الكلام والخلق والرزق والنزول قديم هذا تقدم معنا دون صفة الكلام دون القواعد المتلى كذلك دون الاقتصاد et dans d'autres livres et inshallah on détaillera كذلك في هذا الكتاب dans le chapitre sur الكلام donc جنس الكلام أي الله سبحانه وتعالى il a toujours parlé. Il a toujours eu cet attribut. Lakin, le fait de parler, مثلاً, à Moussa, ou à Adam, ou à notre prophète Mohammed, il leur a parlé à des moments donnés. Lakin, est-ce que, avant, مثلاً, avant d'avoir parlé à Adam, est-ce qu'Allah, il avait l'attribut de la parole? Bien sûr. Allah, il a toujours eu cet attribut. Lakin, l'action, le fait de parler, c'est une sifa fi'liya, il l'a fait quand il veut. فَلِهَذَا الْعُلَمَا يُعَبِّرُونَ يَقُولُونَ On répète, فجنس الكلام والخلق والرزق والنزول قديم أي الله سبحانه وتعالى لا توجور سين صفة ذاتية من هذه الناحية قال وأنواعه تحدث شيئا فشيئا على حسب على أو على حسب حكمة الرب سبحانه وهنا تأمل قال وأنواعه نعم تحدث شيئا فشيئا على حسب حكمه الرب تحدث تحدث سي اون اكسيون كي سو برودوي فالله سبحانه وتعالى اي في سيت اكسيون كونت يل فو كو سوا الخلق الله الا توجور لا تريبي دو الخلق سا توجور ايتي لو كرياتور لكن لو فات دو كري تيل شوز مثلا اي تا كري توا اي ما كري موا اي لا كري تو لي ايتر هومان افون لي ايتر هومان الله سبحانه وتعالى الا في ديجا لا تريبي دو لا دو دو كرياتور سي لو كرياتور Il a créé des choses avant l'être humain. وَهَكَذَا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثْ الآية وَكَخَلْقِ آدَمْ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ مَخْلُوقًا Alors que Allah, il a toujours eu cet attribut. Il a créé Adam à un moment donné, le jour où il a créé Adam. Et avant de créer Adam, c'était le créateur. Il avait déjà cet attribut. Donc, ça te montre que l'attribut l'a toujours eu et l'action, il l'a fait quand il veut. قال وغير وغير ذلك وهكذا الرزق والكلام نعم او si on parle de la sifa الرزق بفتح الراء كما تقدم قال واما صفات الذات كاليد والقدم والسمع والبصر فهي صفات قديمه كالذات ça c'est des صفات ذاتيه قديمه الله سبحانه وتعالى les a toujours اي مثلا لما le visage, un Allah il voit, il entend, ça c'est des sifat dhatiya, et c'est pas des actions. Allah subhanahu wa ta'ala il a toujours eu هذا الوصف عز وجل. وهكذا السماع يسمع, il a toujours eu cette sifat, يسمع bien sûr, il a entendu cette femme qui a parlé au prophète رضي الله عنها وعليه الصلاة والسلام, etc. فهذا كلام مفيد de Cheikh Abd al-Aziz bin Baz rahmatullah alayhi. وكثير من العلماء كذلك, on n'oublie pas de citer l'imam ابن أبي العز شارح الطحاوية إلى السيت هذا قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله et tous ceux qui sont venus après شيخ الإسلام استفادوا منه عليهم رحمة الله جميعا donc هذه c'est une faïda importante في الصفات et celui qui veut des détails il étudie القواعد المتلى le chapitre des صفات فعلية et العلماء السيت مثل هذا الكلام قال رحمه الله on revient au كلام de الشيخ السعدي فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجي والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والقول ونحوها والمتعلقة بخلقه كالخلق والرزق وأنواع التدبير donc نؤمن بجميع الصفات que ce soit des صفات فعلية أو ذاتية et on répète à l'époque il n'y avait pas Cette différence, Aymin Haith, At-Taqsim, citer ces catégories. Pourquoi l'ulama les cite? Tu dois les comprendre pourquoi? Parce que l'Asha'ira, ils ont accepté beaucoup de sifat, Ay-Dhatiya. Et certaines sifat, comme ça y a, Inch'Allah, ils les acceptent pas comme Ahl-Sunnah. لكن في الجملة في الظاهر ils acceptent et ils ont rejeté الصفات الفعلية. C'est pour ça que même les صفات فعلية qu'ils acceptent, ils les expliquent en tant que صفات ذاتية فقط. مثلا الكلام. Ils disent que Allah يتكلم, لكن c'est pas comme la croyance de أهل السنة السلف. Là, ils ont déformé. Ils disent que c'est un كلام نفسي. Et Allah, il parle pas quand il veut pour eux. Allah, il a toujours eu cette parole. Amma, cette parole que Moussa il a entendu, pour eux c'est une créature. C'est pas la parole d'Allah. Fantabihada, et on essaiera de le détailler. Bi-idhnillah. قال ومن الأصول الثابتة في الكتاب والسنة المتفق عليها بين السلف التفريق بين مشيئة الله وإرادته وبين محبته. هذا تقدم معنا dans le chapitre sur l'irada ou le mashi'a. La différence entre l'irada ou le mashi'a. Et la différence entre كذلك المشيئة والإرادة المحبة. هذا تقدم معنا et vous allez voir, inshallah, quand on va lire, ça va être clair. قال رحمه الله فمشيئة الله وإرادته الكونية تتعلق بكل موجود محبوب لله وغير محبوب. أما الإرادة الكونية et on a dit الإرادة الكونية c'est المشيئة. هذه الله سبحانه وتعالى bien sûr c'est lui qui a décidé cette chose, c'est lui qui a voulu cette chose. Cette chose, هذا الموجود, Allah il peut l'aimer ou il peut ne pas l'aimer. Ça c'est الإرادة الكونية. Allah, c'est lui qui a tout créé. Et ces créatures, c'est lui qui les a voulu, Azza wa Jal. لأنه, c'est le Hakim, c'est le Khaliq. Et il fait ce qu'il veut. Et tout ce qui est, tout ce que Allah il a créé, ça fait partie de son mulk, de son royaume. Donc, c'est lui qui l'a voulu. La preuve, c'est dans son royaume. C'est sa créature. لكن, أحيانا, il déteste cette chose. Il ne l'aime pas. Et on a répondu à la question, s'il ne l'aime pas, pourquoi il l'a créé? Pourquoi il l'a voulu? Les hikmah. Allah il a créé Shaitan, alors que Allah il déteste Shaitan, c'est son ennemi, c'est lui qui l'a créé, et il s'est égaré. Allah subhanahu wa ta'ala, il est bikulli shay'in alim, lakin une hikma azima. Est-ce qu'on va obéir à Allah ou on va obéir à Shaitan? Est-ce qu'on va suivre les messagers d'Allah, azza wa jal, wa alayhim as-salatu wa salam, ou on va suivre Shaitan et ses alliés? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé l'enfer. Pourquoi elle a créé l'enfer? C'est une épreuve pour les gens. Ceux qui obéissent, ils iront fil jannah. Ceux qui désobéissent, ils iront en enfer. Donc chaque chose que Allah il a créé, il a voulu, il y a une sagesse. Même si Allah il déteste cette chose, il l'a créé pour une chose qu'il aime. مثلا, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé مثلا, الشيطان, comme on a dit, et l'alcool, tous ses péchés. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui c'est qui a créé la viande de porc, le porc, l'alcool? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il déteste qu'on fasse ces choses. Enfin, celui qui s'écarte de ces choses, ou qui fait cette chose, ثم il se repent, Allah il aime. Donc, ta'ammal, elle a cette chose, Allah il la déteste, mais ça va impliquer une chose que Allah il aime. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Qala famashi'atullah wa iradatuhu al-kawniyya tata'allaq bi kulli mawjoud. محبوب لله وغير محبوب. Donc ça nous montre هذا أن الله سبحانه وتعالى il a tout créé et tout ce qu'il a créé c'est بمشيئته. Il l'a voulu. لكن une إرادة كونية. Une إرادة كونية. قال كما ذكر في هذه الآيات أن الله يفعل ما يريد وما يشاء وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. Les versets qu'on a vus والله الحمد ensemble sur الإرادة الكونية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن ربك فعال لما يريد. الله يفعل ما يريد. Tout ça c'est l'irada الكونية. قال وأما محبته فإنها تتعلق بما يحبه خاصة من الأشخاص والأعمال كما ذكر في هذه الآيات تقييدها بأنه يحب الصابرين والمتقين والمؤمنين والمحسنين والمقسطين ونحوها. نعم. قوله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Tous les versets qu'on a étudiés ensemble. قال ونحوها فمشيئته عامة للكائنات ومحبته خاصة ومتعلقة بالمحبوبات. Donc Allah subhanahu wa ta'ala certaines choses il les a voulu et il n'aime pas ces choses, لكن il les a créées, il les a voulu pour une sagesse comme on a détaillé. Et certaines choses, Allah, il les a voulu et il les aime. مثلا, al-ihsan, wa al-taqwa, etc. Et le fait de lui obéir, le fait de suivre son messager, le fait de se purifier, le fait de se repentir, Allah, il a voulu ces choses et il aime ceux qui font ces choses. قال ويتفرع عن هذا أصل آخر وهو التفريق بين الإرادة الكونية فإنها تطابق المشيئة وبين الإرادة الدينية نعم بعضهم يلعب الإرادة نعم الدينية الشرعية فإنها تطابق المحبة هذا c'est la suite de ce qu'on vient de voir. Donc الإرادة على نوعين إرادة كونية وإرادة شرعية أو هنا قال دينية الإرادة الكونية c'est المشيئة la volonté d'Allah عز وجل. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout voulu. Et l'irada al-shar'iyya, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on fasse. Et les choses qu'il aime, et c'est lié au din. Donc, il y a une différence et on a cité les autres différences. قَالَ فَإِنَّهَا تُطَابِقَ الْمَحَبَّةِ فَالْأُولَى مِثْلَ الْأُولَى أي الْإِرَادَ الْكَوْنِيَّةِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ وَنَحْوِهَا. Et on a vu d'autres versets, وَاللَّهِ الْحَمْدُ وَكَلَامُ الإمام ابن تيمية والثانية la deuxième أي الإرادة الشرعية الدينية أي c'est المحبة que الله لا قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Vous avez remarqué هنا أن الله عز وجل il veut pour nous اليسر أي la facilité et il ne veut pas pour nous la difficulté. فهذه الإرادة c'est الشرعية أي الله il aime la facilité pour ses serviteurs. قالوا والله يريد أن يتوب عليكم. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on fasse tauba. Et dans l'autre verset, il aime ceux qui font tauba. إن الله يحب التوابين. قال ونحوها ومع ذلك فجميع ذلك خاصه وعامه ثبتها أهل السنة والجماعة على الوجه الذي قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. Donc, nous'min, iradati Allahi Azza wa Jal, et l'ulama, ils ont cité hada tafsil pour qu'on comprenne, et kadhalik, si on a compris ces catégories avec ces différences, qu'on a détaillées, walillahi alhamd, dans les doros auparavant, beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de questions que certains se posent, walillahi alhamd, tu n'auras plus ces difficultés à comprendre, ou ces doutes. Falihada qala, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dans son sharh, ou plutôt dans les annotations, qala, la page 45, et juste avant cette page qu'on vient de lire, dans la note tout en bas, qala, wa man arafa al-farq, veyna hatayn, al-iradatayn, salima min shubuhat kathira, zallat fiha aqdam, wa dhallat fiha afham. Kalamun jamil. Celui qui connaît la différence entre ces deux iradas, walillahi alhamd, il sera préservé de beaucoup d'ambiguïtés qui sont répandues. Beaucoup de gens, ils ont glissé via là. Zallat via aqdam, et littéralement, mot à mot, c'est des pieds, ils ont glissé dans ce sujet. Et certaines personnes, ils ont glissé, ils n'ont pas compris, ils se sont égarés. Wa dhallat via afham, mais certains, ils n'ont pas compris. Ba'dhum waqa'u fil hayra, ils ont eu des doutes. Mathalan, on a déjà cité cet exemple, ba'dhum ils disent, mais pourquoi, si on dit qu'Allah il a tout voulu, mais pourquoi cet enfant qui a rien fait, qui est innocent, et il tombe malade et il meurt? Ou pourquoi ces guerres? Et dans les guerres, il y a des innocents qui meurent. Ils ont un taqsir fil ilm, ils n'ont pas fait d'effort dans l'ilm, et kadhalik, ils ont un sou'ouzan billah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a décrété cette guerre, cette maladie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a une hikmah. Madalan, cette femme qui meurt dans cette guerre et qui n'a rien fait, elle était innocente. Est-ce que cette injustice qu'elle a subie, elle va rester impayée? Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Wa aqsitu inna Allah yuhibbu al-muqsitin. Allah, il aime la justice. Et c'est lui qui jugera justement entre ses serviteurs yawm al-qiyama, cette femme yawm al-qiyama, elle aura une énorme récompense. Et ceux qui ont été injustes envers elle, ils paieront. Kadhalik, une autre hikma, an Allah azza wa jal, rubbama, ce bébé qui est mort et qui n'a rien fait, Allah subhanahu wa ta'ala, arada an yirhama. Peut-être que cette dunya, ça va être difficile pour lui, comme minan nas. Ils ont vécu, et ils vivent, et ils sont morts, wallahi yawm al-qiyama. Si tu leur demandes, يوم القيامة est-ce que vous aurez préféré mourir jeune, ils diront نعم. لأن celui qui meurt jeune, ولله الحمد, il est على خير. Il est على خير. Avec un khilaf dans le mas'ala sur les enfants des kuffars, il a akhiré, qu'on ne détaillera pas. ici. لكن على كل حال, ça n'a rien à voir avec l'état des kuffar adultes. Amma les enfants musulmans, là, chaque ils rentreront fil jannah. Amma les enfants des kuffar, les ulama ils disent ils rentreront fil jannah. Les ulama ils disent ils seront éprouvés yom al-qiyam. Ils auront un test, comme le test qu'on a eu ici-bas. Ala kulli hal. Ala kulli hal, c'est pas comme al-kafir qui est mort adulte et qui rentrera éternellement en enfer. Lakin, vous avez vu, il y a deux points là-haut. C'est ne pas différencier entre les deux irada, oublier que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le hakim, et kadhalik oublier l'au-delà. Le Rabbana, s'il regarde que les injustices d'ici-bas, ils ne voient pas loin. Enfin, si on a compris hada, walillahi alhamd, fa kama qala Shawn Bad, on n'aura plus ces ambiguïtés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. On qadra, là, on n'a pas compris. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Et ne jamais penser qu'Allah il est injuste. Là, c'est l'insane qui est injuste. C'est l'insane qui ne comprend pas. Et kadhalik, c'est l'être humain qui se précipite. Au lieu de réfléchir, on ne parle pas des kuffars, des malahidas, des athées, ou la aql ou la din. Ils ne peuvent pas réfléchir, ils n'ont pas de religion, c'est des égarés. Là, on parle du muslim, on parle du mu'min qui croit. Lakin, il a des ambiguïtés et il se pose ce genre de questions. Anna, prends ton temps et étudie. Et ferme cette porte d'injustice. Tu penses qu'il y a une injustice? Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le haq. Et c'est al-hakim, et c'est al-rahim, et c'est al-rafiq. Et c'est Al-Karim, et c'est Al-Ra'ouf, et c'est Arhamur Rahimin. Et kadhalik, ceux qui s'attachent à cette dunya, ils regardent que l'injustice de cette dunya. Ils pensent que tout est basé sur cette dunya. Alors que là, il y aura un jour azim. Allah subhanahu wa ta'ala, il jugera Bayna al-Ibad. Hada, c'est un tambih kadhalik qui est important. Qala, on continue, on essaie de terminer hada bi-ikhtisar. قال ومن أصول أهل السنة والجماعة الثابتة إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وهي من أهم أصول التي باين بها قال في الحاشية أي افترقوا بها عنهم أي c'est parmi les fondements أي parmi les différences entre أهل السنة et les égarés أن السني il a cette croyance, cette conviction en Allah Azza wa Jal, il est au-dessus des créatures. Bi khilaf beaucoup d'égarés. Qala biha ahlus sunnah lil jahmiya wal mu'tazila wal ash'ariya fama fi hadhihi al ayat min dhikr uluwillah wasmihi al ali al a'la wa su'ud al ashya ilayhi wa urujaha wa nuzulaha minhu yadull ala al ulu. Wa hadha wallahi al hamd taqaddam. Beaucoup de versets en Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus. Et kadhalik des versets en al-kalim tayyib yarfa'u, wa kadhalik yas'ud ilayhi al-amal al-salih. Et kadhalik, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a fait descendre les livres. Tout ça montre qu'Allah, il est au-dessus. Kadhalik rafa'a Isa ilayhi. Tout ça montre qu'en Allah Azza wa Jal, il est au-dessus. قال وما صرح به من استوائه على عرشه برهان قاطع على الثبوت ذلك وقد قيل للإمام مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه أي عن الكيف عن الكيفية بدعة وهذا الأثر كذلك تقدم معنا dans les دروس précédentes. أي في الاقتصاد إذن دوتخ دروس ولله الحمد إسا سي مذهب السلف كيف استوى إسا سنوانتخ أن ست كستيون سي اون بدعة لماذا لأن سي اون كستيون إنوتيل لماذا لأن بيرسون على ريبونس الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى il nous a pas montré le comment. Va poser la question à l'imam Malik ou à autre, rahimahullah, c'est d'aucune utilité. Limadha li anna, il peut pas répondre. Fa li hadha ihmarra wajhuhu rahmatullah alayh. Il s'est énervé hatta il a sué et il a dit cette parole qui est devenue un manhaj wadih pour tous ceux qui sont venus après l'imam Malik, rahimahullah, fi hadha al-bab, ay dans les noms et les attributs d'Allah azza wa jalla. Al-istiwa ma'loum. Ça nous montre que al-sifa ma'loum. Que ce soit l'istiwa, que ce soit les autres sifat, ma'loum ay bil Qur'an ou bil Sunna. Ay on a des preuves. Et al-istiwa c'est ma'rouf fi lughat al-arab. Parmi les sens de l'istiwa, al-ulu wal-irtifa' wa al-su'ud. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est élevé, il est au-dessus de son trône. Hada c'est ma'rouf. Qal wal kif majhoul, le comment on l'ignore. Wal iman bihi wajib. Et c'est une obligation à chacun de croire. Pourquoi? Parce qu'il y a des textes. Ar-Rahman ou ala l'arsh istawa. Et l'imam le Taymiyyah, rahimahullah, il a cité plusieurs versets via hada. Qala wal su'al an, ay ani al kayfiyya, ay le fait de demander le comment, bid'a. Ça c'est une bid'a. Les salaf, ils n'ont jamais posé cette question. Les sahaba, radiyallahu anhum, ils n'ont jamais posé cette question au prophète, alayhi salatu salam. Les ma'adha, les anna Allah, azza wa jalla, ne nous a pas informé anil kayf, le comment. Il nous a informé de l'attribut. Et l'attribut, on comprend le sens avec la langue arabe. Les ma'adha, les anna, le Qur'an, il a été révélé avec une langue arabe claire. Qur'anan arabiyyan. Qala wa min usuli ahli sunna wal jama'a ithbatu ma'iyyatillah. كقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم وهذه المعية تدل على إحاطة علمه بالعباد ومجازاته لهم بأعمالهم وفيها ذكر المعية الخاصة كقوله أن الله مع المتقين أي واعلموا أن الله مع المتقين ثم من أصول أهل السنة أنهم يؤمنون بهذه الصفة إثبات المعية أي أن الله سبحانه وتعالى إلى معنا تقدم معنا الجمع entre المعية والعلو et on avait dit qu'on détaillera inshallah ta'ala dans un chapitre que Cheikh al-Islam il a cédé dans l'Wasitiyya أي concernant العلو أي le fait qu'Allah soit au-dessus et المعية أي أنه إلى معنا وهذه المعية elle se divise en deux معية عامة كما قال هنا وهي إحاطة علمه بالعباد أي أن الله سبحانه وتعالى إلى معنا أي بعلمه أي إستو أي نفوى أي نزنطن عز وجل فمثلا قولوا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم أي الله سبحانه وتعالى هؤلاء الثلاث أي ces trois personnes qui parlent entre eux, qui se concertent, qui dialoguent فالله سبحانه وتعالى يعلم اي les entend et les voit عز وجل والمعية الخاصة قال تدل على إحاطة علمه بالعباد إلى آخره ثم قال وفيها ذكر المعية الخاصة كقوله أن الله مع المتقين إن الله مع الصابرين إنني معكما أسمع وأرى لا تحزن إن الله معنا وهذه الآيات تدل مع العلم المحيط على العناية بمن تعلقت به تلك المعية وأن الله معهم بعونه وحفظه وكلاءته وتوفيقه donc المعية الخاصة bien sûr الله سبحانه وتعالى يعلم حال هؤلاء إن الله مع المتقين مع الصابرين الله سبحانه وتعالى les voit, les entend, il sait ce que هؤلاء ils font et المعية الخاصة كذلك c'est العناية والحفظ والتأييد والنصر أي أن الله سبحانه وتعالى إلى مع المتقين إلى مع الكافرين أي المعية الخاصة أنه إلى مع المتقين أي إلى سكور إلى بخزر إلى بخوتج إكسترا وهذا والله الحمد تقدم الشيخ بن باز رحمه الله dans الحاشية إلى ستي لتقسيم كنا étudié ensemble من كلام العلامة الشيخ صالح الفوزان وكلام الإمام العثيمين عليه رحمة الله ثم قال وإذا أردت أن تعرف هل المراد المعية العامة أو الخاصة فانظر إلى سياق الآيات فإن كان المقام مقام تخويف ومحاسبة للعباد على أعمالهم وحث على المراقبة فإن المعية عامة مثل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة أي si tu veux savoir la différence أو comment reconnaître si c'est المعية العامة أو الخاصة tu regardes le contexte. Tu regardes le contexte. Si c'est « Mimbab al-muraqaba wa al-takhwif kama qal ila akhri » ça c'est « Al-am ». Et si c'est « Qal wa inkan al-maqam maqam lutf wa inaya min Allah bi anbiya'ihi wa asfiya'ihi wa qad ruttibat al-ma'iyya ala l'insaf ou ala l'ittisaf bil awsaf al-hamida fa inna al-ma'iyyata ma'iyyatun khassa » Amma si c'est « Ma'iyya » et le contexte c'est les messagers et en Allah subhanahu wa ta'ala il les, bien sûr, il les aime, il les préserve, il les protège. فالمعية هنا c'est الخاصة أي أن الله سبحانه وتعالى il les secours, il les préserve, etc. Et هذا c'est clair في الحقيقة. Tu dois comprendre فقط les deux catégories avec كلام أهل العلم. أن المعية العامة سي أن الله سبحانه وتعالى مقتضاها أن الله سي تو il voit il entend et الخاصة أن الله سبحانه وتعالى elle est خاصة بالمؤمنين elle est réservée qu'aux croyants et أن الله سبحانه وتعالى il les préserve il les secourt etc. ثم quand tu liras un verset du Coran ou un hadith où il y a cette معية par rapport au contexte bien sûr tu sauras. هذا يا aucun problème. قال فإن المعية معية خاصة وهو أغلب إطلاقاتها في القرآن مثل أن الله مع المتقين أي اعلموا أن الله مع المتقين إن الله مع الصابرين لا تحزن إن الله معنا ونحوها. دونك أفاد الشيخ سعدي رحمه الله أن الأكثر أي المعية كي سيتي لو بلوس دون القرآن سي الخاصة أي سي سيل كي ريزيرفي أو كرويان. قالوا من الأصول العظيمة إثبات تفرد الرب بكل صفة كمال وأنه ليس لله شريك ولا مثيل في شيء منها والنصوص المذكورة التي فيها نفي الند نعم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون والمثل ليس كمثله شيء والكف نعم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال والسميع عن الله تدل على ذلك وتدل على أنه منزع عن كل عيب ونقص وآفة هل تعلم له سميا هذه الآية تذكرت هل تعلم له سميا أي من سورة مريم. قالوا من أصول أهل السنة والجماعة الثابتة donc la règle précédente أن الله عز وجل il ressemble pas à ses créatures et تقدم معنا أن la base de l'égarement de tous ceux qui se sont égarés fait هذا الباب المعطلة بأصنافه الأشاعرة المعتزلة الجهمية etc المفوضة الممثلة tous ils se sont égarés لماذا لأن au départ ils ont fait la comparaison entre Allah عز وجل et sa créature قاسوا الرب بالمخلوق ثم quand ils ont pensé que ces attributs ça impliquait le fait de les accepter de croire ça impliquait une ressemblance, imma ils les ont rejetés, al-mu'attila, imma ils les ont déformés, al-muharrifa, al-asha'ira, imma ils ont dit on connaît pas le sens, al-mufawwida, imma iyadan billah ils ont dit c'est comme la créature, al-mumathila, ils ont fait ressembler Allah à la créature. Amma as-sunni walillahi alhamd, il accepte les sifat, ithbatun bila tamthil, wa tanzihun bila ta'til, et كذلك il affirme que Allah il ressemble pas à la créature, lakin sans rejeter les attributs. قال ومن أصول أهل السنة والجامعة الثابتة إثبات رؤية المؤمنين لربهم في دار القرار والتنعم برؤيته وقربه ورضاه ويدل على ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة أي جميلة ناعمة حسنة. ثم le dernier fondement et c'est le dernier chapitre qu'on a étudié ensemble ولله الحمد dans le درس d'hier أن أن أهل السنة يؤمنون ils ont la conviction أن المؤمنين les croyants ils verront الله سبحانه وتعالى le jour du jugement et كذلك في الجنة ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء et كذلك on avait dit أن ce point on le détaillera encore un peu plus dans un chapitre que الإمام ابن تيمية il a cité رحمه الله. قال وقوله إلى ربها ناظرة وهذا صريح في نظرهم إلى ربهم le verset est clair إلى ربها ناظرة أي وجوه يومئذ ناظرة et ces croyants ils auront le visage resplendissant إلى ربها ناظرة et ils verront Allah عز وجل. Est-ce que tu trouves un verset أوضح من هذا مع ذلك tu trouves أهل البدع والضلال تكلفوا et ils ont essayé de trouver des problématiques. Si on dit comme Taqaddam Am, si tu dis que tu vois Allah, c'est qu'Allah il est dans une direction. S'il est dans une direction, s'il est dans un endroit, s'il est dans un endroit, c'est qu'il est dans la créature. S'il est dans la créature, il a akhri. Hatta la fin nafou. Wa ba'dhum ils ont été clairs annahum la yu'minun bihadha. Et ça c'est très très grave. Al-mu'min à la base, il espère ce jour. Et même inna. C'est pour ça que dès que tu demandes à un croyant et tu lui expliques qu'anna al-mu'minin ils verront Allah azza wa jalla etc. Tu vois la joie dans son visage et tu vois de l'espoir en où il veut. Et on espère tous voir Allah subhanahu wa ta'ala. Pendant des années, tu as adoré Allah azza wa jal. Pendant, walillahilhamd, toute ta vie, Tu es un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma, toutes les étapes, toutes les épreuves, il a akhiré. Là, chacun insan, il veut et il espère voir son créateur, subhanahu. Et ha'oula ad-dhullal, ils ont rejeté hada. قال وكذلك قوله على الأرائك ينظرون أي إلى ما أعطاهم من النعيم الذي أجله وأعظمه النظر إلى ربهم. نعم كما تقدم من كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله. C'est pas c'était clairement هنا رؤية الله عز وجل, لكن النظر هنا c'est إلى النعيم أي les récompenses qu'ils auront et tous les bienfaits. لا شك أن la plus grande récompense c'est رؤية الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال وكذلك قوله للذين أحسنوا الحسنى أي وفوا مقام الإحسان لهم الحسنى التي هي الجنة وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم. وكذلك قوله لهم ما يشاءون عند ربهم. إيه نعم إيه ce point لله الحمد on l'a détaillé ensemble أمس et on continuera إن شاء الله تعالى dans les دروس suivantes. فهذا كلام جميل. الشيخ سعدي رحمه الله إلى expliquer ces règles et ça nous fait un rappel taïb et on conseille nos frères qui assistent avec nous et qui n'ont pas étudié les cours précédents à cette brève explication qu'on vient de faire. Pour celui qui n'a jamais étudié ce sujet-là, ça peut ne pas être suffisant. On a essayé de simplifier au maximum, de clarifier et on conseille d'aïman nos frères d'étudier l'ilm bit tadarruj wa illa Hakada, rentrer dans des cours et écouter des parties, ou ne pas commencer depuis le début, surtout ces cours importants. Là, ces cours importants, vous avez remarqué qu'ils sont liés les uns aux autres. Les premières règles, c'est des bases. Thumma, on cite des masa'il, on détaille à certains moments. Thumma, quand les sujets se répètent, les livres de Hakada, c'est toujours les mêmes sujets, c'est toujours les mêmes attributs. Enfin, certaines choses qu'on a détaillées auparavant, on les redétaille pas. Enfin, celui qui n'est pas assidu, qui n'est pas régulier, et qui écoute une partie ou là, qui écoute pas l'autre partie, enfin, peut-être qu'une chose qu'il va mal comprendre, pourquoi? À cause de son manque d'implication et son irrégularité. Enfin, c'est pour ça, l'ilm, c'est très très important. Surtout, Hadalbab. Hadalbab, si tu commences depuis le début, et tu arrives à comprendre en suivant, alhamdoulilah, c'est une ni'ma. Et il faut s'accrocher. Amma celui qui écoute un jour, qui n'écoute pas pendant deux jours, thumma il écoute une partie. Khasatan les cours à distance, hakada. On conseille les frères de awalan d'être reconnaissant envers la ni'ma, c'est une ni'ma azima. Anna à cette époque, wallah ilhamd, on arrive, khasatan en ce moment tous les jours, étudier la croyance des salafs. Dans cette époque de fitna où qu'on vit, où beaucoup de gens ils sont occupés par dunya, où beaucoup de gens, yadam billah, ils ont هذه الأفكار الهدامة أفكار الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فنحن والله الحمد لله في أمن وأمان on est chez nous et on arrive à enseigner, à étudier هذه العقيدة فسي une نعمة عظيمة. Et parmi الشكر لأن chaque نعمة on doit être reconnaissant وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Si on est reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala nous rajoutera. Et parmi la reconnaissance c'est d'être sérieux même si on est chez nous. Un dors, quand tu écoutes un dors et tu veux vraiment le comprendre, et certains quand c'est des doros, des livres, des études de livres, et une série faite de plusieurs cours, un al-insan, il a le support, on l'a propagé. Et le livre, pour celui qui ne l'a pas, c'est très très simple de le retrouver. Tambihat al-Latif, al-Sharh al-Wasiyat Sheikh Saadi. Tu écris le titre sur internet et tu trouveras le format PDF très simplement. Thumma, tu peux l'imprimer, tu l'imprimes, ou si tu l'imprimes pas, mohim, tu as le support sous les yeux, et tu suis. Et kadalik, si tu as le livre et tu prends les notes sur le livre, si tu peux pas, tu prends des notes sur un cahier, et tu écoutes, et quand tu fais le livre, on a déjà vu, ils écoutent un dors, thumma, ils parlent, thumma, ils se déplacent dans, chez eux, thumma, ils font autre chose, ils manipulent leur téléphone, c'est pas comme ça, l'ilm. L'ilm, c'est de la concentration, même si c'est à distance. C'est comme si on était au masjid. Limada ta'ziman li hadha al-ilm al-'azim. Lianna le sujet là qu'on traite, c'est les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, les attributs. On n'est pas en train d'étudier quelque chose de dunya. On doit être concentré. L'insan, s'il peut s'isoler dans une chambre et pour être au calme et il écoute et alhamdoulillah. Il y en a la plupart des questions qu'on reçoit ou les incompréhensions, c'est par un manque de concentration. Et là, chaque année, on n'est pas parfait, ça arrive, les manques de concentration, là, qu'il se mettre dans les meilleures dispositions. C'est un cours et on fait ça, lillah, azzawajal. Et peut-être que ça sera la cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ouvre les portes et on avance. Enfin, hadihi nasiha. Et, naktafi bihada pour aujourd'hui dans ce dars. Et on passe à notre deuxième dars, bi idnillahi azzawajal. والحمد لله.